إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد. On va continuer donc sur l'étude du livre Le Tawhid bénéfique à l'état pur, cette immense œuvre du grand savant الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى المصري الشافعي. وتوقفنا عند ذكره بحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. Et on s'est arrêté hier avec l'évocation du hadith d'Abu Bakr radiallahu ta'ala an, évoquant et mentionnant le fait qu'un jour le prophète sallam était avec ses compagnons et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea ses compagnons et il leur demanda: qu'est-ce aujourd'hui qui s'est levé à beau matin en état de jeûne? Qui est à beau matin en état de jeûne? Qui est-ce qui a visité un pauvre? Qui est-ce qui a fait une aumône? Qui est-ce qui a suivi le cortège funèbre? Et à chaque fois Abu Bakr disait: moi, au messager d'Allah. Et donc on s'est arrêté sur l'évocation de ce hadith. Et donc l'auteur a mentionné deux riwayas, deux variantes, deux versions concernant ce récit. On s'était aussi arrêté dans la dernière assise concernant une question aussi importante liée à la prière. On avait parlé, surtout en période d'hiver, le fait que le temps est proche et le temps est court. Donc Les journées sont courtes et beaucoup de musulmans, parfois, peuvent manquer des prières. Donc là, des périodes hivernales, comme celle-ci, il faut se faire le rappel sur la préservation de la prière. De vraiment préserver sa prière et de la prier en son temps. Pourquoi ? Parce que dans un hadith, le prophète sallam fut interrogé au sujet des meilleures œuvres. Afdal al-A'mal, au sujet des meilleures œuvres, et le prophète a répondu: As-salat fi waqtiha, la prière en son temps. Donc celui qui cherche à connaître quelle est la meilleure des œuvres par laquelle on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme dit le prophète dans un hadith: wa ma taqarraba ilayya 'abdi, et mon serviteur ne se rapprochera point de moi si ce n'est la meilleure action, c'est al-fara'id. Ce qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit, rendu obligatoire, les prières obligatoires. C'est, comme disent les savants, par ordre des meilleures œuvres, c'est d'abord les prescriptions. Ce qu'Allah Azza wa Jal nous a rendu obligatoire. Ce sont les meilleures œuvres par lesquelles on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la prière en son temps, c'est très important. Pour cela que le prophète, ensemble dans un hadith, dit: Man hafada ala salah, celui qui préservera sa prière, sa prière sera yom al-qiyama nourun wa burhanun wa hujja wa naja. Sa prière le jour de la résurrection sera une lumière, un argument et un sauvetage, si on peut dire de la sorte. Un naja, nour wa burhan wa naja yom al-qiyama. Tandis que celui qui ne préserve pas sa prière, le prophète dit, ni elle ne sera une lumière, ni un argument, ni un sauvetage, et sera ressuscité le jour de la résurrection avec A'immat al-Kufr, avec les têtes et les grands imams du Kufr, Qarun wa ghayruhum, wa Fir'aun et Pharaon et autres. Et donc pour ça, la préservation de la prière, c'est très important. Mais si la personne, pour des raisons, il a manqué certaines prières, et rentre le temps d'une nouvelle prière, à ce moment-là, s'il doit rattraper, on a dit, Surtout si la question se pose, beaucoup rentrent à la mosquée, et ça s'est reproduit encore tout à l'heure. Pour ça, on refait le rappel. Ça s'est reproduit tout à l'heure. Pendant qu'on faisait Salat al-Maghrib, bon, oui, on n'a pas fait l'Aïcha encore. Pendant qu'on faisait Salat al-Maghrib, quelqu'un priait encore seul derrière. Seul derrière, alors que l'imam, il présidait la prière du coucher du soleil avec les fidèles. Et quelqu'un priait seul derrière. La raison, c'était sûrement qu'il devait rattraper des prières. Sauf que il prie seul derrière, donc il va rattraper des prières manquées. Et on a dit que lorsqu'on fait une prière qu'on rattrape, c'est plus l'ada, mais c'est le qada. Faites la différence entre l'ada. L'ada, c'est l'accomplissement de la prière, ou al-qada, c'est le rattrapage de la prière. L'il-fa'ita, al-fawa'it. C'est pour la prière qu'on a manquée. On fait le qada. Sauf que là, il rattrape des prières manquées, et là, il a une prière qui est présente. Il peut avoir la récompense de cette prière, en plus, ma'a al-jama'a, avec le groupe. Mais si on rattrape des prières manquantes pendant l'accomplissement d'une prière qui est hadira, c'est le hadira, qui est présente, alors là, on a manqué des prières déjà avant, et là, en même temps, on manque une prière qui est en train d'être accomplie, en plus, ma'a al-jama'a. Elle est élevée en degré avec al-jama'a. Et donc, là, ce qu'il faille faire, c'est qu'il faut rentrer avec al-jama'a. Sauf qu'ensuite, on a la question du tartib. La question du tartib. Mais comme hier, il y avait du monde, ensuite, lorsque j'ai fait Salat al-Isha, je ne voulais pas détailler la question du tartib. Le tartib, c'est l'ordre. Pourquoi? Parce que les gens de la masse, il faut leur donner un avis. On leur donne un avis. On leur dit, ils font comme ceci. Et il faut pas trop rentrer dans les détails. Parce que les gens ne sont pas tous amenés à comprendre. Lorsqu'on dit il y a tel avis, ou tel avis, tel avis. Ou telle manière de faire et telle manière de faire. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément savoir les différentes manières qu'on puisse faire. Mais ils veulent un avis, qu'est-ce que je dois faire? Il pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Et on lui dit, qu'est-ce qu'il doit faire? D'où la difficulté dans Talab al-Ilm. Il faut que huwa yutqina al-masala. Pour dire, il faut faire telle et telle chose, il faut déjà lui-même connaître les avis. Et ensuite, c'est quel est l'avis le plus probable chez l'ulama le plus plausible par rapport aux preuves. Donc la question du tartib, que je vous fais très rapidement. À la base, les prières, il faut les faire en ordre. De sorte que les savants disent, même lorsqu'on rattrape des prières qui sont al-fawa'it, des prières qu'on rattrape, qu'on a ratées, il faut les refaire dans l'ordre. Dans l'ordre. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a des raisons qui sont légales et légiférées, la personne, parfois, il peut manquer une prière, il a une raison légiférée, il est excusé, une raison valable, et il y a des raisons où c'est lui qui a laissé, par négligence, le temps passer. Donc faites la différence. Nous, on ne rentre pas dans cette considération-là. Chacun a sa raison. Là, on parle dans le cas où que la personne, par exemple, il va prier la prière de l'après-midi, Salat al-Asr, et il n'a pas prié al-Dhuhr, la prière du midi, par exemple. Au moment qu'il va prier Salat al-Asr, il est dans le temps du Asr, mais il n'a pas prié la prière du midi, il doit d'abord faire le Dhuhr, la prière du midi. Pourquoi? Parce qu'il faut les accomplir comme elles ont été légiférées. Il faut les accomplir en ordre. Donc si il est toujours dans le temps du Asr, là, il fait d'abord Dhuhr, ensuite il fait Salat al-Asr, et ensuite il fait l'Asr. La question se pose, c'est s'il rentre à la mosquée. S'il rentre à la mosquée, wa yuqimat as-salat, et la prière est sur le point d'être accomplie, il y a eu les iqama, et là c'est Salat al-Asr, par exemple, et il rentre, il n'a pas fait Salat al-Dhuhr, la prière du midi, à ce moment-là, il rentre. Avec un jama'a, et on expliquera. Je vais vous expliquer dans ce cas, ce qui vient. Mais déjà, de comprendre la question du tartib, la majorité des savants voient que le tartib, l'ordre, fait partie de l'wajibat. Que c'est une obligation. C'est-à-dire que pour eux, regardez, ça a des conséquences. Lorsqu'on dit que la majorité des savants considèrent que c'est une obligation, ça a des conséquences. Si une personne, par exemple, il n'a pas fait la prière du midi, il n'a pas fait al-asr. Il est toujours sur le temps du asr. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prie l'asr. Ensuite, il se rend compte qu'il n'avait pas prié Al-Dhuhr aussi. Il va faire le Dhuhr après. Là, pour l'avis de la majorité des savants, sa prière du Asr n'est pas valable. Parce que ce n'est pas fait dans l'ordre. Vous comprenez les conséquences. Lorsque les savants disent que c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tartib. Comme ça a été légiféré. Comme ça a été légiféré. Alors, tartib, ça veut dire que si on n'a pas prié la prière du midi, avant de faire celle de l'après-midi, il faut faire la prière du midi. Il faut donc qu'elle soit faite dans l'ordre. De sorte que si ça n'a pas été fait dans l'ordre, la prière qu'on a faite qui n'a pas été dans l'ordre, elle n'est pas valable. Pour beaucoup de savants, elle n'est pas valable. Il faut la refaire. De sorte qu'ensuite, il devra refaire la prière manquée et refaire la prière d'après. Et refaire la prière d'après. C'est pour ça que certains savants verraient que si la personne, par exemple, il est rentré, il a fait l'asr, il n'avait pas fait le dhuhr, il faudrait qu'il refasse le dhuhr. Et ensuite, il reprit l'asr. Pourquoi ? Parce que eux voient l'obligation de at-tartib, de l'ordre. Et c'est très important. Et ils se basent sur le hadith, sur le jour de l'Khandaq. Vous avez vu les fossés ? À un moment donné, ils n'avaient pas prié. Certains compagnons n'avaient pas prié. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été préoccupés par al-mushrikoun, par les polythéistes à l'époque. Relisez l'histoire de al-Khandaq, des fossés, vous allez voir, à un moment donné, ils n'avaient pas prié les prières. Et donc ensuite, le prophète sallam avait ordonné à Bilal de faire al-adhan, et ensuite, ils ont fait les prières dans l'ordre, comme elles ont été légiférées. Wa istadalla al-ulama, et les savants ont déduit, selon ce hadith-là, sur l'obligation donc qu'il y ait un ordre respecté, que l'ordre soit respecté, que ça c'est une obligation. Sauf que, ce qu'il faut savoir sur cela, قَدْ يَسْقُتْ التَّرْتِيب. Parfois, le tartib peut يَسْقُتْ. L'obligation du tartib, parfois, elle peut être proscrite, si on peut dire de la sorte. Elle peut être soulevée. Dans le sens que si, dans certains cas, l'ordre, c'est-à-dire il y a tolérance, ou il y a les savants juste que la prière est bonne même s'il n'y a pas de tartib. عند الجهل والنسيان, par exemple, lorsque la personne ne savait pas, ou la personne, par exemple, a oublié, elle ne l'a pas fait volontairement. Le fait de ne pas avoir prié ses prières dans l'ordre, soit elle ne connaissait pas, de sorte que si elle a fait Salat al-Asr, ensuite elle va rattraper le dhuhr après Salat al-Asr. Et cette personne vous pose la question. Vous dites, il vous dit, moi j'ai fait Salat al-Asr, mais je me suis rappelé que je n'avais pas fait Al-Dhuhr. Et donc ensuite, lui, il a fait Dhuhr, celle du midi, il l'a fait après celle de l'après-midi. Est-ce que celle du midi est valable ? On lui demandera. S'il était Jahil, certains savants considèrent Al-Jahl, lorsqu'il y a ignorance, Yaskut al-Tartib. S'il était ignorant, il ne savait pas, sa prière de l'après-midi est valable. Même s'il n'avait pas fait avant sa prière du midi. Certains savants considèrent que si c'était par ignorance, sa prière est valable. Si c'était par oubli, certains savants aussi considèrent que sa prière est valable. Tandis que la différence, si c'est volontaire, la personne volontairement, elle ne les a pas fait dans l'ordre. Donc, pour ces savants qui voient l'obligation du tartib, c'est pour ça que certains savants considèrent que si, par exemple, vous rentrez à la mosquée et vous n'avez pas fait la prière précédente, et par exemple, comme là, le cas de la prière du coucher du soleil, al-maghrib, vous rentrez, la personne n'a pas fait l'asr, et là, uqimat al-salat, wa l'imam yukabbir takbirat al-ihram, et l'imam, ça, il a fait takbirat al-ihram. Là, certains savants vont considérer que la personne peut rentrer avec l'intention du asr. Ça, c'est une manière de faire qui est dite par beaucoup de savants. Donc, celui qui voit cet avis, qui veut suivre cet avis, c'est un avis qui est considéré chez les savants. Et c'est un avis qui est fort. C'est un avis qu'on ne peut pas réfuter. Ces savants-là disent, beaucoup de grands savants, et même de grands savants spécialistes, Ba'd al-Muhaqqiqin, il stipule cela, que donc là, le fidèle, il rentre avec l'imam, et lui avec l'attention du Asr. Même s'il y a ikhtilaf al-niyya, bayna al-imam wa al-musallin. même s'il y a une divergence d'intention. Et là, il se base sur la question, est-ce qu'il peut avoir une divergence d'intention entre l'imam et le musallin, selon le hadith de Mu'ad ibn Jabal? Ils disent na'am, ils disent oui. Donc dans cela, ils disent, il n'y a pas de souci, il peut rentrer lui avec niyat al-asr, alors que l'imam, il prie al-maghrib. Ou bien si c'est le maghrib qu'il avait manqué, il rentre à la mosquée, et là, il est en train de faire salat al-isha, il rentre avec la niyat du maghrib, alors que l'imam lui prie al-isha. Il se base sur la possibilité de faire cela, c'est que Mu'ad ibn Jabal, il est rapporté qu'il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al-isha. Ensuite, lui-même allait présider la prière. Il allait diriger la prière au sein de gens. Donc, lui, il avait une autre intention. Et donc, les savants se basent sur ce hadith pour dire qu'il peut y avoir une différence d'intention entre l'imam et celui qui prie derrière. Donc là, ça, c'est un avis. Et ensuite, après sa prière, ensuite, par exemple, si c'était salat al-isha, il est rentré et l'imam prie salat al-isha et lui, il n'avait pas fait le maghrib. Il rentre avec niyat al-maghrib. Ensuite, après salat al-isha de l'imam et du maghrib pour lui, il fera salat al-isha. Il fera salat al-isha. وهذه فتوى كثير من العلماء والمحققين. Et ça, c'est une fatwa de beaucoup de savants. C'est une fatwa de beaucoup de savants. Donc, vous pouvez poser la question à certains savants qui vont vous dire cela, cette manière de faire. Sauf que, et ça, c'est l'avis de savants qui considèrent que être tartib est obligatoire. Pour les savants qui sont plus minoritaires, qui considèrent que tartib, laysa min al-wajibat, min wajibat al-salat, eux, pour eux, il n'y a pas de souci de rentrer avec l'imam, et même si on reprit après la prière qu'on a manqué. Puisque pour eux, être tartib, laysa min al-wajibat, min wajibat al-salat, ce n'est pas une obligation. Mais pour ceux qui voient que c'est une obligation, alors eux, il faut que les prières soient en ordre. Et là, on a wadih. Sauf que, il y a d'autres savants. وَأَشَرْنَا إِلَى هَذَا الْقَوْلِ الْبَارِحَةِ. Et nous, on avait fait allusion à cet avis hier soir. Il y a d'autres savants qui sont d'avis. يَمِلُونَ إِلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ. Ils penchent. Ils sont d'avis que le tartib est obligatoire, sauf que dans certaines situation قد يسقط الترتيب واجب الترتيب. Dans certaines situations, le tartib n'est plus obligatoire, comme là, dans une situation comme ça, que on rentre par exemple à la mosquée ou au qimat al-salah et que la prière est accomplie al-jama'a en groupe, et là par exemple c'est salat al-isha, le fidèle rentre, il n'a pas fait le maghrib, et là l'imam a commencé, el jamaa, ils font salat. Là, certains savants, même qui voient l'obligation du tartib, ils disent, on rentre avec la niya, on peut rentrer avec la niya du Aisha. Il fera le maghrib après. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Islam ibn Taymiyyah. C'est pour ça qu'hier, j'ai fait allusion à cet avis-là. Cheikh Islam ibn Taymiyyah, et c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Et eux voient l'obligation. Voit l'obligation du tartib. Sauf ils disent à ce moment-là, dans cette situation-là, il y a ce qu'est tout tartib. Ça fait partie des situations où le tartib, pour eux, à ce moment-là, c'est une situation dont ils considèrent que le tartib, là, n'est plus en vigueur, on va dire. On peut, là, c'est une situation qui fait qu'on n'est pas obligé de faire le tartib. Vous comprenez? Et ça, c'est un avis. Et certains savants contemporains penche vers cet avis. Beaucoup de savants contemporains penchent vers cet avis. Et cet avis-là, je m'en rappelle, il y a quelques années de cela, nous connaissions en général l'avis des savants qui voyaient l'obligation du tartib, mais qu'on ne peut pas faire une prière sans qu'il y ait de l'ordre. Donc, soit on rentre avec une autre intention. Par exemple, ils font l'Aïcha, on n'a pas fait le Maghreb, on rentre avec l'attention du Maghreb, ensuite on rattrapera l'Aïcha. À l'époque, on connaissait cet avis, et c'était vraiment un avis qui était propagé. Sauf un jour, un savant de la Mecque, justement, dans une assise, fait Al-Haram al-Mekki, Ahad al-Mashaykh al-Ma'roufin, un savant très connu à la Mecque, un grand muhaddith. Il avait évoqué cette question, il avait dit « Labas, il n'y a pas de mal » que si par exemple la personne il rentre, il n'avait pas fait la prière précédente, n'avait pas fait la prière précédente, de rentrer dans la prière qui est présente à l'instant, de la faire et le rattrapera après. À ce moment-là, même s'il n'y avait pas de tartib. Et après des recherches, on se rend compte que c'est l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. On est étonné de cet avis, mais effectivement, c'est l'avis de beaucoup de savants qui considèrent que ça, c'est un cas, en quelque sorte, pas exceptionnel, mais c'est un cas où tartib, là, il y a tolérance. Yaskut at-tartib. Wadih al-kalam ? Vous comprenez ? Donc si quelqu'un rentre et veut faire biniyat, par exemple, c'est salat al-isha, il n'a pas fait le marlab, il veut faire biniyat al-marlab, ensuite il fera son isha, adam maqboul, c'est acceptable. Et c'est l'avis de grands savants. Si maintenant il veut suivre l'avis de savants qui disent qu'il peut faire al-hadira, la prière qui est accomplie à ce moment bien précis, ensuite faire son autre prière, fahada labas abihi, hada labas bihi. Nous ainsi. Donc on continue, Inch'Allah, sur l'étude de notre livre. Alors on était toujours sur l'étude du hadith de Abu Bakr. Et ça, ce hadith, il est immense. Pourquoi ? Puisqu'on est sur l'étude toujours de la quatrième catégorie. Quelles sont les meilleures adorations ? Vous allez voir que là, c'est très pertinent, puisque là, on est en train de terminer la quatrième catégorie. Et si on a le temps, on avait lu en arabe hier on avait lu en arabe, jusqu'à la fin de la quatrième catégorie, sur cette question-là que l'auteur est en train de traiter. Pour ceux qui étaient absents, on est en train de traiter une question très importante, quelles sont les meilleures adorations ? Quelles sont les meilleures adorations ? Et si vous voulez, l'auteur, qui s'inspire justement des paroles de l'imam Ibn Qayyim rahmatullah alayh, que vous pouvez retrouver dans Madarij al-Salikin, et ce livre est fondé, on avait dit, bâti sur l'explication du verset Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Et c'est immense. Le livre, il est vraiment d'une immense pertinence et très profitable et bénéfique. Je recommande vraiment de lire ce livre. Et d'autres œuvres aussi d'Ibn Qayyim qui sont immenses. Et c'est Ajib. Vous savez, il a un autre livre où dans cette... si je me trompe pas, Tariq al-Hijratayn. Et dans ce livre-là, il va citer le barnamaj, le programme du croyant. Et il va citer le programme de al-Muqarrabin, des rapprochés d'Allah Azza wa Jal, ou al-Muqtasid, par exemple aussi, celui qui, on va pas dire modéré, mais celui qui a une position médiane, et il y a ceux qui sont un degré au-dessus, al-Muqarrabin, les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Il va citer le barnamaj de chacun. Ou la hajib de Salat al-Fajr. Et il va citer vraiment le barnamaj, le programme de chacun. Et c'est hajib, à un moment, il y a une faïda. Il y a une faïda. Zakaraha ahad al-ulama al-kibar. Qui lui-même, istaghraba, lama qaraa hadha al-kitab. Et d'ailleurs, d'autres savants, istaghrabou. Beaucoup de savants, lorsqu'ils ont lu ce livre-là, ils ont vraiment été étonnés de ce que rapporte Ibn Qayyim et du barnamaj qu'il fait et de ce qu'il parle, puisqu'il va traiter du domaine de l'adoration. Jusqu'à ce que même Cheikh Abd al-Razak al-Abbad, il cite lui-même, lorsqu'il a lu ce livre, il dit « Je suis revenu à la lecture de la biographie d'Ibn Qayyim. » Parce que on voit vraiment à la lecture de ce livre, ça montre le personnage, l'écrivain, l'auteur du livre. Donc il dit « Je suis revenu à la biographie. » Et à certains points, la biographie liée à la vie d'Ibn Qayyim. Et il a dit, lorsqu'on lit sa vie, vraiment, on voit des choses étonnantes. Al-Ajab al-Ujab. Al-Ajab al-Ujab. Sans parler du shir. Le shir de l'islam. Et lorsque vous lisez dans sa biographie, vous voyez que, il y a pas très si longtemps, il y a un shir, justement, qui a fait une intervention. Une intervention sur, et il parlait de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il parlait de sa vie. Et lorsqu'il parlait de lui, on pensait qu'il allait parler du domaine ilmi, de son savoir. Souvent, c'est son savoir qui est mis en avant. C'est un imam fil hadith, imam fil fiqh. C'est son savoir qui est mis en avant. Mais en fait, beaucoup de savants sont étonnés. C'est pas que son ilm. Les savants lui font l'éloge. c'est pas que pour sa science et son savoir, mais vraiment pour son application et son niveau de religiosité. Ses contemporains disent, il avait un tawakkul qui était hors du commun. Il avait une rémission, une pleine confiance en son créateur qui était hors du commun. Il avait un sabr, une manière de patienter. C'est pour ça que de grands imams lui font l'éloge. Ce n'est pas n'importe qui fait l'éloge. Certains de ses contemporains, certains de ses élèves, c'est vraiment des gens qui ont joué un rôle dans la propagation du ilm et dans les œuvres. Ka Ibn Kathir. Imaginez-vous Ibn Kathir, l'auteur de Bidaya wa Nihaya, l'auteur du grand tafsir, tafsir al-Qur'an, qui est une référence, fi kutub al-tafasir, Ibn Kathir qui a de nombreux livres dans la vie du prophète et autres. Ibn Kathir fait l'éloge de Shir de l'Islam, des éloges, l'Ajab al-Ajab, l'imam al-Dhahabi, le grand savant, l'imam al-Muhaddith, l'imam al-Dhahabi, qui est auteur de nombreux livres, de nombreux écrits. Il a un livre qui est Tarikh al-Islam, l'histoire de l'islam. Une grande, immense encyclopédie. Le livre est en de nombreux volumes, c'est un livre très très volumineux, l'histoire de l'islam. Il relate tout. Il a de nombreux livres, Sir al-Nubala. Il va faire là, dans Sir al-Nubala, il va faire la biographie des grands imams, des grands pieux et vertueux de cette nation. C'est des volumes et des volumes. L'imam Dhahabi est connu dans, est une référence fait al hadith. Et lui-même fait l'éloge du cheikh de l'islam, Ibn Qayyim lui-même, ce grand savant Ibn Qayyim, si vous écoutez les éloges. Et pourquoi je vous ai relaté cette intervention d'un savant, et même d'autres, hein, c'est qu'il n'a pas parlé du côté, l'aspect scientifique du cheikh, puisque beaucoup pensent, cheikh Zembia, son aspect c'était juste au niveau du ilm. Mais beaucoup fut admirateur du shir, pas selon l'ilm seulement, mais sa pratique, sa religiosité, son tawakkul, sa patience, son adab, de sorte qu'ils disent que même lorsqu'il était éprouvé, lui-même était éprouvé à l'époque, les gens, lorsqu'ils avaient besoin de se remonter le moral, alors que c'était le shir Sam Temia qui était éprouvé, ils allaient le rencontrer, ils allaient le visiter. Et c'est pas des gens de la masse qui disent ça. C'est des grands imams. C'est des grands imams qui disent cela. Et leur compagnie était immense. El-Muhim, je voulais évoquer une faïda d'un grand savant qu'on avait dit, qui disait qu'il avait lu le livre d'Ibn Qayyim. Et à un moment donné, il dit que lorsqu'il fait le barnamej, il dit Al-Muqarrabin, ceux vraiment qui ont un haut degré d'adoration, eux, ils font Salat al-Fajr. Et lorsqu'il parle de Salat al-Fajr, il dit ils font Salat al-Fajr, ensuite il dit le programme. Ils font les Azkar, les invocations qu'il faille faire, après Salat al-Fajr, ils restent à la mosquée, jusqu'à lorsqu'il parle de certaines catégories, il parle de catégories, il dit ils sont à la mosquée, et après Shuruq, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les deux unités de prière. Ils font les deux unités de prière. Et pour une catégorie, Ajib, les plus rapprochés, la meilleure catégorie, il n'a pas cité ça. Si je m'en rappelle bien, de la faïda du grand cheikh que je vérifierai, il n'a pas cité cela. Il n'a pas cité cela. Alors le cheikh, il dit, il a cherché pourquoi cheikh pour cette catégorie-là, ou que cette œuvre, normalement, c'est les plus rapprochés qui doivent faire cette œuvre-là, par rapport aux autres. Et le cheikh, il a cherché. Il dit, pourquoi Ibn Qayyim n'a pas cité à ce moment-là? Mais il dit, le pourquoi? Parce que cette catégorie-là, il dit, هذا ينتقل من عبادة إلى عبادة. Parce que celui-ci va d'une adoration aller vers une autre adoration. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les plus rapprochés, lorsqu'ils font Salat al-Fajr, ils font du dhikr, ils vont faire leur appel, etc. Ils vont rester un moment à la mosquée, tout ça. Lui, lorsqu'il va quitter la mosquée, il va rentrer. Il part, il va quitter une situation d'adoration et un état d'adoration, il va aller vers une autre adoration. Puisque ça, c'est des gens qui, lorsqu'ils vont rentrer, ils ont des recherches scientifiques, ils vont dans les livres, ils font des recherches, ils ont leur hifz, ils écrivent. Eux, c'est un autre degré. C'est comme el-ulama. Donc eux, ils partent d'une adoration, ils vont aller vers une autre adoration. Soit ils écrivent des livres, soit ils vont aller enseigner le ilm, soit ils vont aller le mémoriser, soit ils ont des élèves proches, ils vont faire mémoriser l'ahadith à leurs élèves proches, soit ils écrivent ou ils préparent leurs cours ou ils font des recherches. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, certains grands savants, toute la matinée, ils ont des élèves qui leur lisent. Vous avez vu, il y a des grands imams qui sont devenus savants, parmi les plus grands savants, ils ont perdu la vue. Vous pensez qu'ils ont arrêté? Ils ont des Toulab al-Ilm, des proches qui lisent, qui les aident dans leurs recherches, dans leurs écrits. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de grands savants, par exemple, contemporains, parmi nos contemporains, vous avez vu qu'on est dans une période, certains grands savants n'entendent plus parler d'eux. Comme on a déjà fait allusion à cela dans... Pourquoi? Parce que là, certains grands savants, ils sont en train de jmar certains leur fatawa. Ils font leur merjumah al-fatawa. Tout ce qu'ils ont fait, etc. Et les élèves les aident à faire ces merjumah, etc. Et donc là, ils sont dans une situation, à la fin, ils sont fi khalwa. Oui, atazilun fi ibadatillahi azza wa jal. Et ils continuent leurs écrits, etc. Donc, haoula yantaqilun min ibadatin ila ibadatin ukhra. Tandis que les autres, le shir expliquait, eux, lorsqu'ils vont quitter la mosquée après Salat al-Fajr et après le Zikr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à leurs occupations. Ils vont aller travailler. Ils vont chercher leur risque. Ce qui est permis. Et au contraire, c'est louable et c'est demandé. Mais eux, ils quittent un état, une situation d'adoration pour ensuite aller chercher leur risque, aller à leurs préoccupations de la vie. Donc là, eux, ils terminent avec une adoration. Ajib. Donc eux, ils font, il dit dans le Barnamej, ils font ça. Et ensuite, ils vont vaquer à leurs préoccupations. Tandis que l'alim, même si par exemple il ne l'a pas fait, parce que lui va, dans l'état d'une adoration, et il va aller, yantaqil min ibadatin ila ibadatin ukhra. Vous avez vu comment l'observation de l'adoration, l'amel, c'est ça le but du ilm. Et regardez, et c'est ça la différence avec nous, à l'heure actuelle, avec la Torah, wanashtaki ila Allah azza wa jalla. Que nous, dans le domaine de l'adoration, on a un axe. Il faut avouer, on a un axe. À l'époque, les ubbad, dans les siècles précédents, c'est des ubbad bima'an al-kalima. Wa hatta fi hadha al-zaman, wa fi hadha al-asr, on a que ulama ubbad. Les ulama, ils sont savants, mais lorsque vous regardez leur biographie, même certains savants contemporains, si vous côtoyez certains savants contemporains, c'est ça qui est très étonnant. Haoula ubbad, c'est vraiment des dévots. C'est des dévots. Et c'est pour ça que ba'd talabat al-ilm, certains étudiants en science, lorsqu'ils ont voyagé à la rencontre de savants, ce qu'ils ont omis de faire, ils pensent que c'est juste amasser le ma'loumat. Talab al-ilm idha dhanna wa a'taqad an al-ilm huwa jam' al-ma'loumat fa huwa fi gharat. Il se trompe. S'il pense que l'ilm, c'est juste amasser les connaissances et mémoriser, yahfad, il ramasse les connaissances et le ilm, alors il se trompe. L'ilm, c'est pas ça. Les savants parmi les salafs, ils disaient l'ilm ou kathrat al-khashia. Al-khashia. C'est pas kathrat al-riwaya, mais ils disaient l'ilm ou al-khashia. C'est la crainte d'Allah, azza wa jal. Ils font que ton ilm te mène à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous allez voir la différence entre les petits, wal-kibar, les grands savants, c'est que haoula ubbad. Et visitez les savants, et vous allez voir que vous allez profiter à ce niveau-là. C'est des dévots, c'est des adorateurs. Ils mettent en pratique ce ilm. Et c'est pour ça qu'on avait fait allusion à une histoire que raconte Cheikh Abdelrazzaq, al-Abbad. Hafidallah, justement dans l'explication de Tajrid Tawhid al-Mufid. Il dit un jour, il est parti visiter un quartier, Hay min al-Ahya. Et lorsqu'il est rentré dans la mosquée, il a vu une vieille personne, Ammi, fil masjid. Et il a parlé avec lui, il lui a dit, Mashallah, anta sakin taskun fi Hay al-Tullab, Hay al-Tullab al-Ilm. Du fait qu'il a dit, dans ce quartier-là, il y a beaucoup de Tullab al-Ilm. Le cheikh, après la vieille personne, lui a dit, où est Tullab al-Ilm? Ici, il y a Tullab al-Ilm. Il lui dit, ici, il y a Tullab. Et le cheikh, il lui a dit, oui, c'est un quartier, ici, il y a des Tullab. Vous avez vu, par exemple, à Fait le même laka à Médine, il y a des quartiers, il y a une forte concentration, par exemple, parfois, de Tour de la Belaïm par rapport à d'autres quartiers. Il lui dit là, après, je ne sais pas si c'est à Médine, mais Cheikh, il dit, j'ai visité un quartier, et il a commencé à parler avec une vieille personne qui était dans la mosquée, il lui a dit, Mashallah, ici, c'est un quartier, il y a beaucoup de Tour de la Belaïm. Et le Cheikh, il lui a dit, celui qui prie pas Ma'al Jamara, il n'a pas de haine. C'est pas un Talab al-Ilm. Elle a dit, la yuhafid ala salat Ma'al Jamara, la yuhafid ala salawat Ma'al Jamara, falaysa bi talib al-Ilm. C'est pas un Talab al-Ilm. Et là, Cheikh fait le rappel. Et c'est vrai que parfois, elle a dit, kun fil, mashallah, mustaghriq, fil buhuth al-ilmiya, wa fil ilm, plongé dans les recherches, dans le ilm, parfois, un dananaqs, natakhallaf. On va s'absenter de l'jama'a. Et l'awam, mashallah, fil waqt. Wa la tafuthu salat al-fajr. Et lui, il manque pas salat al-fajr. Al-ammi. Même au niveau du comportement, certains qui apprennent la science, ils pensent qu'ils sont exemptés. Ils sont excusés, ils sont pardonnables. C'est eux normalement qui ont le comportement. Normalement, sahib al-ilm, c'est nous qui devons le moins parler des futilités, le moins commettre le riba ou namima, la diffamation, la calomnie. Tout ça, normalement, c'est nous qui faisons le rappel aux gens. Vous savez, il est déjà arrivé des hamalats en Umrah. Que parfois, vous voyez les frères, les jeunes, mashallah, d'une apparence, il est à la sunna, dans les groupes de Umrah. Vous avez vu, souvent, il y a des jeunes à la sunna, mashallah. Et dans les groupes, mashallah, il y a des gens de la masse, l'awam, hadi. Eux, la nuit, ils dorment. Et c'est déjà arrivé, un jour, c'est des frères qui m'ont raconté, un jour, il y avait un groupe, et les frères, les jeunes, ils étaient en compagnie d'un talib al-ilm de la Jamia. Un talib de la Jamia, qui était venu et c'est lui qui s'occupait du groupe. Et disait, nous, toute la nuit, on était dans la chambre et puis il parlait de Fulan ou Allan et ça parlait de Jarh. C'était des soirées de critiques, un tel, tel shir, tel ça, jusqu'à ce qu'un jour, un vieux du groupe, il est venu, il a tapé dans la chambre, il a dit, Malakoum, qu'est-ce qui se passe là? Vous parlez toute la nuit. Toute la nuit, vous parlez. Et le frère qui me raconte l'histoire, il m'a dit en plus on faisait salat al-fajr dans l'hôtel. Il priait salat al-fajr dans l'hôtel. Et ça, plusieurs fois, ça a été raconté. Plusieurs fois, ça a été fait. Et là, Awam, il va prier salat al-fajr, ma'al jama'a, au masjid, ou au shabab, mashallah, qui vont dans les assises de savants, parfois, un dananaqs. On est déficient. Et eux passent la nuit à parler. Un jour, j'ai rencontré un frère. Là, c'est moi-même. Je rencontre un frère. Un frère qui était venu pour la Umrah. C'était à la Mecque. C'était à la Mecque. Vous avez vu, dans une Umrah, il y a, en général, vous allez avoir peut-être un Jumu'ah à la Mecque. Si c'est un séjour de 14 jours, vous aurez au meilleur des cas un Jumu'ah à Mekka, un Jumu'ah à Médine. Un Jumu'ah à Mekka, un Jumu'ah à Médine. Alors le matin, j'ai rencontré un frère, c'était le matin du Jumu'ah, du vendredi, un frère qui venait de France, qui était dans un groupe, et je lui dis, Mashallah, tu étais venu à la Mecque, Mashallah, et je lui dis, tu vas venir, tu vas faire Salat al-Jumu'ah, Mashallah, fil haram. Mais qui m'a dit, non, on m'a dit qu'il y avait une bonne mosquée à Mekka où il y a un cheikh qui fait le khutbah. Un cheikh connu qui fait le khutbah dans une mosquée de la Mecque. Je dis, Yahri, mashallah, que tu veux visiter le mashaykh et que tu veux écouter un cheikh faire le khutbah, mashallah. Mais tu as une Jumu'ah dans ton séjour, fi Mecca. Miat elf. Salah. Qui équivaut à 100 000 pour les prières. Mais là, c'est un Jumu'ah. C'est le vendredi. Et pourquoi je vous dis ça? Et il m'a dit, celui qui a donné cette information qu'il fallait prier dans une mosquée extérieure, c'était l'étudiant du groupe. L'étudiant du groupe. Donc il y a un manque de compréhension. C'est pour ça que beaucoup se sont plaints de certains jeunes. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes qui ont une apparence, Ahl al-Sunnah, on ne les a pas éduqués fil l'uboudiyya. D'être des vrais dévots d'Allah Azza wa Jalla, des vrais adorateurs. On ne les a pas éduqués sur ça. Ils ont beaucoup été éduqués sur l'apparence. Mais ils n'ont pas été éduqués sur nahyat al-uboudiyya, wa al-suluk, wa al-zuhd, wa tatbiq al-ilm wa al-amali. Tatbiq al-ilm, la pratique du savoir, du ilm. Al-adab wa al-samt, le silence, le bon comportement, le comportement du alim. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup de tullab, lorsqu'ils vont étudier, ils vont pas d'abord s'asseoir pour apprendre le comportement chez l'alim. Et ce qui prouve cela, c'est pour ça que moi je me fais le rappel d'abord pour moi, parce que moi je suis de vous tous, je suis celui qui a le plus besoin de rappel, peut-être. On se fait le rappel. Beaucoup de tullab al-ilm, et on parle de ilm parce qu'on est là et on est assis et on lit. Beaucoup de tullab al-ilm, lorsqu'ils vont chez le mashayikh, ils veulent un shaykh à leur image. Ils ont, en France, on lui a donné l'image d'un shaykh. Et eux, lorsqu'ils vont s'asseoir sur un shaykh, ils veulent un shaykh à leur image. Sauf que le mashayikh ou l'ulama, ils ne sont pas à ton image. C'est toi qui vas devoir t'adapter. C'est toi qui vas apprendre du shir. C'est pas le shir d'apprendre de toi. Donc si le shir, par exemple, tu lui poses des questions sur Fulan ou sur Allan, ou tu lui poses des questions dans l'aïm, et le shir te dit qu'il ne répond pas à ça, ou le shir dans tel domaine, il ne traite pas ces domaines-là. Le problème ne vient pas de lui. Le problème vient de toi. Si lui, le shir ne parle pas de ça, pourquoi toi tu parles de ça? Et si tu vois un alim qui ne parle pas de ça, et tu vas chez un autre alim qui ne parle pas de ça, pourquoi tu vas chercher celui qui va parler de ça? Parce que beaucoup de gens de France, ils veulent des mashayikh à leur image. C'est pour ça que même là, en France, quand ils viennent apprendre ou écouter le rappel d'un da'i, ils veulent que le prédicateur soit à leur image. De sorte que s'il parle des sujets que lui aime, alors il vient et il est content. Et il va apprécier le da'i. Mais s'il parle des sujets que lui ne comprend pas, il ne voit pas que c'est important, il ne va pas apprécier le da'i. Et on voit qu'ensuite, c'est devenu une fitna pour le da'i, de sorte que beaucoup de da'i ensuite se sont rabaissés au niveau du demandeur. Et donc, ils font des sujets et ils parlent à la manière des demandeurs. Or, ça, c'est une erreur. On ne traite pas des sujets que les gens veulent entendre, mais on traite de sujets que les gens ont besoin. Si tu ne veux pas écouter parler de Tawhid, ou si ça fait 10-20 ans que ça parle et tu entends parler de Tawhid, hada mushkilatak. Ça, c'est ton problème. Al-da'i, il ne va pas parler de questions de mariage parce que toi, tu vas entendre parler de questions de mariage à chaque fois. Lorsqu'il y a des assises de mariage, ça parle de mariage, là, les gens aiment ces sujets-là. Ou bien il faut que le da'i parle et se rabaisse, il faut qu'il parle le langage des jeunes, par exemple, parce qu'on fait darwa jeunes. Là, lorsque vous allez chez les ulama se rabaissent à votre niveau? Ou c'est nous qui devons élever le niveau et avoir le niveau des ulama? Donc, ad-da'i, celui qui enseigne aux jeunes, ne parlez pas comme les jeunes. Il faut toujours avoir un bon langage. Et même si on dit, oui, mais parler de ces sujets-là et avoir ce langage, ça attire les jeunes. Non. C'est les jeunes qui doivent apprendre les bonnes manières. Et aujourd'hui, on voit certains qui enseignent, ils ont un langage un peu de, je vais dire avec le terme familier, j'aime pas employer ces termes-là, un langage un peu de quartier, de cité. Alors qu'à la base, ils n'ont pas ce langage-là. Mais eux, ils vont utiliser ce langage pour attirer les jeunes. Non, les jeunes, ils doivent apprendre. Et vous devez garder le bon comportement avec les jeunes. Ne jouez pas les jeunes de quartier. Ni dans votre habit, ni dans votre manière de parler, ni dans votre manière de vous habiller. Libas taqwa. Tout cela en justifiant de ramener les gens. Non, el ulama, lorsqu'il nous enseigne, ils gardent leur habit, l'habit de la piété. Ils ont leur usloub, leur souluk, leur adab. Et c'est à toi de apprendre ce adab. Vous comprenez? Et donc, la première chose qu'on apprend chez l'ulama, c'est l'adab. C'est la manière de se comporter. La patience, les assises. Et c'est pour ça que, là, vous comprenez que les savants parlent beaucoup de, du domaine de l'adoration. Regardez, là, on va terminer ce, on va dire, pas ce chapitre, mais le thème. L'imam al-Maqrizi, qu'est-ce qu'il a traité comme thème? Le thème qu'on était en train d'étudier, c'était quelle est la meilleure adoration? Entre une tendance, une catégorie que eux, pour eux, la meilleure adoration, on avait dit, c'est le zuhd. Il faut arriver au zuhd. C'est ça l'objectif en soi. Les savants ensuite nous ont expliqué cela, que c'est pas forcément ça l'objectif. C'est une catégorie. On a cité des catégories sur cela. Là, on termine avec la quatrième. Ensuite, vous allez voir l'auteur, si on a le temps de commencer ce thème-là, vous allez voir, l'auteur va commencer un autre thème très important, immense, Mnahyat al-Ibada, qu'on va lire, Inch'Allah. On termine juste sur l'histoire de Abu Bakr. Qulna. Voilà, قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر الرواية حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. On a la première رواية qu'on a citée, c'est la رواية أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال وهذا الحديث روي من طريق عبد الغني ابن أبي عقيل ثنا يغنام ابن سالم عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا في جماعة من أصحابي فقال من صام اليوم فقال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم قال أبو بكر أنا قال من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال فمن شهد اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال وجبت لك قال المصنف يغني الجنة الجنة وجبت لك الجنة ثم قال ويغنم ابن سليم وإن تكل ما فيه لكن تابعه سلمة ابن وردان وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. Regardez après l'auteur, après qu'il ait cité le hadith de Abu Bakr, il va citer un autre hadith avec la chaîne de transmission. Et dans ce récit, il est dit, je vous traduis de manière relative le sens du hadith, ou plutôt littéral, hein, la traduction littérale du hadith, il est dit que le prophète Hassan dit quiconque offre deux couples, anfaqa zawjayn, dans le hadith qu'on traduit littéralement dans la traduction, man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min al-jannah ou fil jannah. Il sera appelé, quiconque offre deux couples sur le sentier d'Allah, se fera appeler au paradis. Oh Abdallah, voici ton bienfait. Les gens de la prière seront appelés par la porte de la prière. Les gens du djihad seront appelés par cette porte-là. Les gens de l'aumône seront appelés par la porte de l'aumône. Et les gens du jeûne seront appelés par la porte du jeûne. Alors, Abu Bakr s'écria, « Ô messager d'Allah, chacun sera forcément appelé par l'une de ces portes, mais quelqu'un peut-il se faire appeler par toutes ces portes à la fois ?» Regardez Abu Bakr. Le meilleur de la nation. Vous avez vu, on a dit, alors que le prophète était en compagnie de ses compagnons, Et on voit que l'importance de l'ilm et de la religion, c'est quoi? Adam. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة محمد. نكمل الترجمة ثم نواصل. Donc là, Abu Bakr demande, est-ce que la personne peut être appelée par plusieurs portes, puisqu'une personne lui rentrera au paradis si c'était une personne qui faisait beaucoup de prières par une porte spéciale pour ceux qui faisaient la prière, celui qui faisait beaucoup de d'aumônes par une porte spéciale, ce qui faisait beaucoup d'aumônes. Et là, Abu Bakr dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce qu'une personne peut-elle se faire appeler par toutes ses portes à la fois? Alors que lui, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Man asbaha al-yawm sa'ima, qala Abu Bakr, ana ya Rasulallah. Man tasaddaq al-yawm bi sadaqatin, qala ana ya Rasulallah. Man ada minkum al-yawm maridan, qala Abu Bakr, ana ya Rasulallah. Man tabi'a al-yawm janaza, qala Abu Bakr, ana ya Rasulallah. » Vous avez vu, toutes ces adorations-là, ils n'étaient pas prêts. Et comme on a dit hier, ça veut dire, on peut comprendre ici que si le prophète aurait demandé plus, peut-être que Abu Bakr, radiallahu ta'ala, il faisait plus encore. Mais lui, il a répondu à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Et là, on comprend de ce récit, c'est qu'il faut toujours être prêt. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait éduqué les compagnons. Et vous avez vu, ils étaient dans l'adoration du Créateur. Et là, pourquoi l'auteur a mentionné ce hadith-là? Puisqu'on a dit que parmi les meilleures adorations, c'est celles qui sont faites à leur temps. Il y a des temps propices pour les adorations. Par exemple, Bayn al-Adhan wa al-Iqama, il y a des adorations propices, etc. Le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah. Et donc, là, le prophète va répondre à Abu Bakr, bien sûr. Regardez ce que va lui dire le prophète. Bien sûr, et je pense que tu es l'un d'eux. Ça veut dire que le croyant, il peut t'appeler par différentes portes. Si tu es fervent dans l'adoration, dans la prière, dans l'aumône, dans le siyam ou autre, c'est pour ça que l'imam Malik, lui-même, dans une de ses paroles, il dit « وَمِنَ النَّاسْ مَنْ فُتِحَ لَوْ أَبْوَبْ الْعِبَادَةِ مِنَ النَّاسْ مَنْ فُتِحَ لَوْ أَبْوَبْ الصَّلَاتِ مِنَ النَّاسْ مَنْ فُتِحَ لَوْ أَبْوَبْ الصِّيَامِ مَثَلًا » Et jusqu'à ce qu'il dit « وَمِنَ النَّاسْ مَنْ فُتِحَ لَوْ أَبْوَبْ الْعِلْمِ وَأَنَا مِمَّا فَتَحَ اللَّهُ أَبْوَبِ الْعِلْمِ فَرَضِيتُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ لِي » Et il dit, il y a des gens, Allah leur a ouvert la porte du savoir. Et il dit, l'imam Malik, moi je fais partie des gens qu'Allah leur a ouvert la porte du savoir et je suis satisfait de cette porte qu'Allah m'a ouverte. Et donc une personne peut être appelée par différentes portes pour rentrer au paradis. Et regardez ensuite, telle est la version rapportée par Malik avec une chaîne de narrative ininterrompue dans le Mousnad qui remonte jusqu'au prophète. Donc la chaîne de transmission, on l'a dite en arabe, et jusqu'à ce qu'il explique. Dans le hadith, il est dit deux couples. Man anfaqa zawjayn. Celui qui va dépenser deux couples, littéralement. Ma ma'na hada. Qala, deux couples signifie deux éléments de deux catégories. comme 2 dinars, 2 dirhams, 2 chevaux, 2 vêtements. Cela concerne également le fait de prier 2 rakaat, de faire 2 pas sur le sentier d'Allah ou de jeûner 2 jours, etc. Le prophète, pourquoi il fait allusion à Zawjain, à 2 couples, les choses en 2 ? Parce que c'est le minimum du pluriel. C'est le minimum du pluriel, comme il est dit ici. C'est, il fait allusion à la plus petite fréquence et au plus petit nombre avec lequel quelqu'un peut enchaîner ses bonnes actions, car 2 est le plus petit pluriel possible. Donc c'est quoi l'exhortation ici ? Al-ibad, l'adoration du Créateur. Donc, ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فقال ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنفق زوجين كما قال في الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة إلى آخر الحديث قال من أنفق زوجين قال المصنف يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك وإنما أراد والله أعلم أقال التكرار وأقال وجوه المداومة على العمل من أعمال البر لأن الاثنين أقال الجمع أقال الجمع فهذا كالغيث أين وقع نفع صاحب الله بلا خلق صاحب الخلق بلا نفس إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين تخلى عنهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة وهم في تلك أربعة أصناف قال الصنف الأول وهذه المسألة المسألة الجديدة سنذكرها في حلقة قادمة قال المصنف قال واعلم أن الناس في المنفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة طرق في تلك أربعة أصناف قال الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة والصرف الإرادة فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في المعاش ولا المعاد ولا سببا لنجاة وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه من وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد وهذا الكلام والله أعلم كلام ابن القيم ولهذا كلام يحتاج إلى دقة وشرح وتفسير ونحيل هذا الكلام إلى يوم غد وإلى حلقة قادمة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم